Les civils dans la tourmente de la guerre. Raphaël Lewandowski, Rafik Zenin. Le 1er novembre 1954, après plus de 120 années de présence et de domination coloniale française en Algérie, le Front de Libération Nationale a déclenché un soulèvement armé à travers tout le territoire algérien. Son objectif, l'indépendance. Le FLN est alors inconnu, non seulement des autorités françaises, mais aussi d'une grande majorité de la population algérienne elle-même. La surprise est donc de taille. Ça a commencé comme ça. Il y a des bruits qui circulaient qu'il va y avoir un soulèvement. Le principal instigateur habitait dans ma région. C'était un meunier. Alors il a commencé par recruter. Et j'ai un oncle, grand bavard devant l'Éternel, qui est venu voir mon père et lui a dit « Fais valoir à l'avenir que tu es donc le dixième de ta récolte à la cause. » Parce que le dixième, c'était au point de vue religieux, il fallait donner un dixième de ses biens, de sa récolte pour les pauvres. Mon père était pauvre lui-même, il n'avait rien à donner. Il a dit à mon oncle, alors comme ça, toi tout seul, tu vas virer la France. Tu n'as même pas de fusil. Et l'autre, il lui a dit, mais je ne suis pas tout seul, j'ai des gens derrière. Il lui a dit, écoute, tu ferais pas mal d'aller t'occuper de ta terre et de ta mère. Arrête de fanfaronner, on te connaît, Daha. Alors, mon oncle, il est parti en menaçant. Des rebelles et des hors-la-loi qui, armes à la main, sillonnent les reliefs accidentés et inhospitaliers de Kabylie ou des Aurès, il y en a toujours eu en Algérie. À vrai dire, les autorités coloniales françaises ne sont jamais parvenues à contrôler entièrement l'ensemble de l'immense territoire algérien. Mais cette fois-ci, le soulèvement du 1er novembre 1954 révèle l'existence d'une organisation parfaitement coordonnée. Elle a préparé l'insurrection depuis des mois et elle l'a inscrite dans un mouvement anticolonialiste d'ampleur internationale. Alors la propagande officielle française s'applique dans un premier temps à en minimiser à tout prix l'importance. J'avais 17 ans. Bachir Hadjadj, né à Aïn Touta en 1937. Il y avait déjà des événements qui se passaient en Tunisie. D'ailleurs, le mot Fenlaga a été utilisé pour la première fois en Tunisie. Ce n'était pas en Algérie. Le mot Fenlaga en arabe dit les fracasseurs, ceux qui fracassent, ceux qui cassent, les casseurs. Il y avait aussi des événements au Maroc. Et donc, bon, on a été un petit peu sensibilisés à ces événements-là. La presse nous les représentait comme des bandits. C'était très mitigé, comme on ne savait pas exactement ce qu'il fallait penser de ces bandits. Voilà. Donc, j'ai connu cette période-là, tout au début de la guerre, sans savoir trop ce qui se passait. Voilà. Ma famille, c'était des cultivateurs, ils étaient nombreux. Ils louaient des terrains Mila et étaient des marchands de légumes à Alger. On ne fait pas de politique. Je n'étais pas au courant de ce qui se passe parce que j'étais jeune. Alors, je voyais des gens qui se réunissaient, des gens de Douar. Et la plupart, c'est des cousins par alliance, et comme c'était une grande famille. Et puis, la nourriture commençait à diminuer, les choses commençaient à changer. Je voyais des choses bizarres. Il y avait des soldats que je n'ai jamais vus auparavant. Ils préparaient des pistes, des routes, parce qu'il n'y avait pas de route. C'était une zone à l'état sauvage, une région à l'état sauvage. Et après, c'était les Moudjahidines, je me rappelle, et ils cherchaient des gens, les chasseurs, parce que les gens de la région, ils ont tous des fusils de chasse à la maison. Puis je vois la famille, elle commence à se disperser. Mes cousins, mes oncles, ils s'absentaient pendant des jours. Et la première fois, j'ai vu des hommes, ils portaient des kshabiyas avec des fusils, pour moi, c'est des fusils de chasse. J'étais un peu intriguée. Il faisait très, très chaud. Et pour dire, je savais, ça m'apparaissait bizarre. Je suis rentrée en courant. Ma mère, elle était en train de préparer la laine. Je lui posais la question. J'ai dit, j'ai vu des hommes avec une mkouhla. Elle m'a dit, non, Souda, ce n'est pas des hommes, c'est des anges. Et au fur et à mesure, on a vu des gens s'habiller de la même façon, avec un calot, avec un manteau, on appelait ça cache-poussière, qui leur arrivait jusqu'aux chevilles. Et puis porter des fusils. En plein jour, alors qu'à l'époque, les fusils étaient planqués. On ne les montrait pas. Et puis ils sillonnaient le village, enfin ce qu'on appelait le village de notre terre. Ils allaient voir les gens, ils s'imposaient pour qu'ils leur préparent à manger avec de la viande, s'il vous plaît. Je les voyais circuler, tout ça, mais ils ne me faisaient pas peur, j'avais pas peur d'eux. Seulement, je me demandais à quoi ça va servir. Et les gens me disaient, oui, mais c'est ceux-là qui vont libérer l'Algérie. Et l'Algérie, après, tout le monde deviendra riche, tout le monde travaillera main dans la main, etc., etc. Et mon père, évidemment, ils lui ont pris son arme. Et après, c'est des jeunes filles qui paraissaient, ils ont étudié, ils ont fait l'école coranique. Alors, ces jeunes filles-là, c'est ceux-là qui viennent donner des discours. Ils réunissaient les femmes en disant pourquoi l'armée coloniale s'installe, pourquoi il y a des avions, pourquoi ces étrangers qu'on ne connaissait pas, ils sont apparus dans la région, chez nous, on les voyait. Et ils nous expliquaient, ils nous apprenaient les chants patriotiques. يلي تحب الافريك دي نور تشاركنا في الوطنية بنطب العبد الكريم وهما اللي يجيبوا الحرية ستانشون دو ليبيرتي اشهدي يا سماء واكتبا واكتبا يا وجود اشهدي يا سماء واكتبا واكتبا يا وجود اننا J'avais 11 ans. Messaoud Kafi, né dans les Aurès en 1943. D'un seul coup, j'entendais un tonnerre que j'ai jamais entendu. On entendait des tonnerres, parce que sur la montagne, il y a toujours des tonnerres, il y avait toujours la foudre. Mais ce bruit-là m'est inconnu. Et j'ai ramassé donc mes chèvres et je suis descendu. Et le tonnerre a recommencé. C'était un mortier. C'était l'armée française qui venait d'arriver dans ce village et qui tirait sur les crêtes pour impressionner la population. Pour dire, vous voyez, notre puissance. Et si jamais vous bougez, voilà ce qui va vous arriver. L'armée est arrivée dans mon village, j'avais une rafle. Et tous les hommes se sont retrouvés donc ensemble sur un terrain vague. Et il y avait un jeune lieutenant rasé de près, avec une voix douce, qui est arrivée avec l'interprète. Bon, alors après, bon, c'est toujours pour la première fois que je vois un Français de près. Il parlait dans une langue que je ne connaissais pas. Et j'étais impressionné parce qu'il était bien habillé. Et je me disais, celui-là, il doit manger à sa faim. C'est le premier réflexe que j'ai eu. Alors le lieutenant, il leur a dit, nous ne sommes pas ici pour vous faire du mal, nous sommes ici pour vous protéger contre des rebelles, des bandits. Et le caïd traduisait, vous êtes tous des bandits, vous êtes tous des chacals, et l'armée est ici pour vous mater. Vous allez faire la connaissance à la puissance de la France. Et au fur et à mesure que le lieutenant parlait, et l'autre traduisait d'une autre façon. Résultat, tout le monde avait peur, tout le monde avait la trouille. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'on ne punisse comme ça? Les militaires sont arrivés. Zineb Boudjelal, 99 ans. Où est ton mari? J'ai dit qu'il venait de sortir. Et c'était ce que je croyais. Je leur ai dit qu'il était dans le magasin. Ils sont sortis, ils sont allés au magasin et ils n'ont pas trouvé. Ils sont revenus. Ils m'ont dit qu'ils n'y étaient pas. Ils ont cherché et cherché. L'après-midi, ils sont revenus chez moi. Allez, ils ont tout débarrassé. Ils ont ramené un harki avec eux du nom de Hadia, de Hermila. Ils lui ont dit, vas-y, saccage tout. Ils ont tout sorti. Ils ont balayé à la maison. Je suis restée seule à la maison. L'après-midi, Franck est revenu chez moi, le capitaine, avec les militaires. Il m'a dit, tu ne restes pas là, allez, bouge. Il m'a conduit dans la maison de mon beau-frère. À cette période, mon beau-frère était en prison. Ils ont pris Mila, ils ont pris Rebéi, ils ont pris Tayeb el-Harkati, Et ils ont pris ma mère, les pauvres. Comme ils ne trouvaient pas mon mari, ils ont pris ses cousins et les ont jetés en prison. Il ne restait plus que les femmes. Ils m'ont emmenée chez la femme de son frère, la grande. Je suis restée avec elle. Ratissage dans la montagne, interrogatoire des suspects, vérification d'identité des habitants, appel aux populations à se réfugier dans les secteurs de sécurité, toutes ces mesures ne manqueront pas de ramener le calme dans l'Aurès. Déjà, des groupes descendent de leur meshta perdu. On attend la population entière du Douar Ishmoul. Premières annonces, espère-t-on, de la fin de la crise. L'armée coloniale, elle commence à se montrer. Khadija Belgenbo prend des rafles. Née en 1944. Vient à la maison et poser des questions. Ils prennent même nos bêtes pour se nourrir aussi. Ou par vengeance, je ne sais pas. Parce qu'ils doivent savoir que ça a duré près d'une année. Et donc, l'armée coloniale a décidé d'utiliser l'aviation. C'est-à-dire, l'armée n'utilise plus les routes. Parce qu'ils tombent dans l'escadre. Alors, c'était des hélicoptères à deux moteurs et des avions noirs. Ils jetaient des parachutistes par l'aviation. Ceux-là, ils commencent à ratisser. Ils tuent tout ce qu'ils trouvent. L'animal, l'être humain. Je sais que la première fois, l'aviation a bombardé. Il y avait un petit avion jaune de reconnaissance. Il décolle des basses altitudes parce qu'il savait qu'on n'avait pas les moyens de lui tirer dessus. Donc il opère, s'il voit des animaux, il voit une personne, ils ont tué mon ami d'enfance. Il gardait ses moutons. Je voyais tous ces intestins dehors. Il essayait de s'abriter, de courir. Il y avait une main, je voyais bien, une main qui tenait son ventre, de retenir ce qu'il avait. Il avait son petit frère avec lui, de courir vers un endroit où il se cachait dedans. Au cours des premiers mois de la guerre d'Algérie, les combats et leurs conséquences sur la population civile sont avant tout perceptibles dans ce qu'on appelle le bled, c'est-à-dire à l'écart des grandes villes ou des principales agglomérations urbaines. On entend bien sûr parler de ce que la France qualifie d'événements et d'opérations de pacification ou de maintien de l'ordre, mais la vie suit son cours. Et c'est surtout la présence croissante de l'armée qui retient partout l'attention. Blida était une ville de garnison. Quand j'allais chez moi, c'était la route des camions militaires. Ça montait, ça descendait. C'était terrible. Là, je commençais à prendre conscience un peu de la guerre. Lalia Duco Helal, née à Cherchel en 1941. En 54, nous avons une belle villa. Une belle villa dans un quartier européen. Un quartier très, très modeste. Mais bon, on était complètement dans la ville, sur la route qui menait vers la Chifa. Et dans ce quartier vivaient beaucoup de gens modestes, d'origine italienne ou espagnole. Et là, mes parents me laissaient les fréquenter. J'avais quelques amies européennes et j'étais, disons, bien acceptée. Le soir, on sortait des chaises et on restait devant les maisons. Mais pour elle, j'étais pas une arabe. Et en 55, peut-être par la pression de la famille, je sais qu'ils venaient dire à mes parents de arrêter, qu'elle arrête et qu'elle reste à la maison et qu'elle se voile. Qu'est-ce que c'est que cette fille qui traverse comme ça les boulevards? Parce que c'est vrai, dans Blida, il y avait beaucoup de boulevards. Donc, c'était pas pensable pour eux. Et mes parents avaient entendu parler d'un lycée franco-musulman. C'était le seul lycée franco-musulman à Alger. Donc, à l'aide d'un ami qui était professeur, mais qui enseignait à Alger, on m'a inscrite à cette école franco-musulmane en tant que pensionnaire. Ce furent les meilleurs moments de ma vie. Je suis à Constantine, je devais être en première. Bachir Adjaj, né à Ain Touta en 1937. Où on a commencé à voir d'abord des patrouilles militaires. Il y en avait de plus en plus. Les magasins commençaient à se protéger par des sacs de sable. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des mitraillages. Il y avait, dans les vitrines des cafés, il y avait des grillages pour que les gens ne peuvent pas lancer des grenades à l'intérieur, parce que c'est dévastateur, une grenade comme ça. Et puis, ça devenait une routine. On avait entendu parler d'un, tiens, il y a un copain qui a été emmené en prison pour qu'on a trouvé des trucs chez lui. Puis la guerre a commencé à s'installer et on s'y habituait. Dans le lycée que nous étions, on parlait à voix basse de ce qui se passait. Et là, franchement, on voyait le sillon se creuser entre eux et nous. Ils parlaient de ce qu'ils ressentaient, nous parlions de ce que nous ressentions entre nous. Très civils ensemble, on essayait de jouer au foot ensemble ou de raconter des blagues ensemble, des blagues de collégiens, des lycéens, de fumer en cachette dans les WC parce que c'était interdit de fumer. On se retrouvait avec le copain qui était français, mais il y avait pas, mais on ne parlait pas de ces choses-là, jamais. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine, elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, tout petit bikini, quelle bébête pour la première fois. Un itsy-bitsy-tiny-winny, tout petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. L'Union Générale des étudiants musulmans algériens, en mai 1956, décrète la grève totale des cours et des examens pour tous les étudiants algériens, en nous disant ce mot, ce qui est resté célèbre, à quoi sert de faire des études en Algérie, ça ne fera pas de nous de meilleurs cadavres. C'était assez fort. J'étais à la maison juste au déclenchement de la grève. Je n'ai pas pu retourner au lycée, ça a fermé. La plupart de mes amis sont montés au maquis. Donc je sentais qu'il y avait des choses qui se préparaient, qui étaient non dites, mais qui se préparaient. Et en 55, je voyais beaucoup de mouvements militaires, mais je ne me rendais pas compte. Disons, je ne pensais pas que ça allait durer. Je n'en ai pris conscience qu'avec la fréquentation de mes amis au lycée franco-musulman, où on apprenait des chants révolutionnaires, etc. Et là, on a compris avec la grève des étudiants que la chose allait durer. On parlait d'une manière positive de la rébellion. C'est-à-dire que je ne connais pas dans la cour du lycée, en première, en terminale, jusqu'à la fin, je ne connais pas de camarades algériens qui se retrouvaient du côté français. Nous étions tous, en sympathie avec les maquisards, avec les maquis. Nous étions en sympathie, voilà. Mais pas d'une manière militante. Beaucoup de camarades sont partis. Il est parti, un tel, on le voit plus. En fait, il est parti au maquis. On apprendra 3 ou 4 années plus tard, qu'il a été tué, puis à l'indépendance, en après, qu'il est devenu un chef, etc. Mais sinon, ça s'est passé comme ça. Dans la vie de tous les jours, on parlait entre nous, avec sympathie, de la guerre de libération, des maquisards, etc. Mais je n'ai pas rencontré de militants. Je ne voyais pas comment rejoindre les maquis, mais parce qu'on entendait parler. Les gens qui voulaient aller au maquis, on leur disait non, il faut que si tu veux venir au maquis, il faut que tu amènes une arme avec toi. Et tu seras mis à l'épreuve d'abord, il fallait que tu tues quelqu'un. On comprenait très bien que c'était une manière de se protéger contre les services de renseignement français qui voulaient envoyer des gens comme ça, pour un oui ou pour un non, monter au maquis et puis ensuite participer à la destruction de ces maquis. Dans les régions où les combattants indépendantistes algériens sont les plus actifs, l'armée française décide de procéder à des déplacements et à des regroupements massifs de population. La stratégie consiste à priver ainsi les maquisards du soutien des civils et de la possibilité de se cacher parmi eux. Des centaines de milliers d'Algériens, majoritairement des femmes, des personnes âgées et des enfants, sont installés de force dans des camps construits de toutes pièces et entièrement contrôlés par les autorités françaises. Le camp de regroupement, contrairement à ce que dit un certain discours militant primaire algérien, c'était pas un camp de concentration pour tuer les Algériens. Slimane Zeghidour, né en Kabylie en 1953. C'était pas un Club Med non plus. C'était un des éléments constitutifs d'un plan de guerre anti-insurrectionnel, dont l'enjeu c'était la population. C'est-à-dire que le leadership français a réalisé qu'en 120 ans de présence française, un pan entier de l'Algérie était resté dans le néolithique et que c'est dans ce pan-là de population que se cachait la révolte, que la révolte puisait sa force, ses hommes, sa rage d'en finir. Un bouleversement catastrophique. Et c'était la fin d'une époque. Et on ne s'y attendait pas. Même nos vieux, ils ont dit, on n'a jamais vu ça. Même du temps des conquêtes des Arabes, on n'a pas connu ça. Il y a eu les Carthaginois, il y a eu les Romains, il y a eu les Byzantins, il y a eu les Visigoths. Mais on n'a pas connu ça. Ils n'ont pas évacué les gens de leur territoire. Ils les ont dominés, ils se sont établis. Les Romains ont laissé beaucoup de vestiges chez nous. Mais on n'a jamais vu une civilisation qui arrive et qui dit aux autochtones « dégagez », sans les remplacer. Et pour nous, c'est quelque chose auquel on ne s'y attendait pas et c'est quelque chose de catastrophique. Et dans le camp de regroupement, la vie était très difficile. Il y avait la répression, il y avait des interrogatoires. Il y avait des Sénégalais, enfin on appelait ça des Sénégalais, mais c'était en fait des Tchadiens, en fait des Africains, hein, encadrés par des officiers de l'armée française. Hein. Et je vous dis, les maisons, c'est quoi? C'est des cailloux, un caillou sur l'autre, couverts par des branches, c'est tout. Hein. C'était pas. Et c'est en plus un plein hiver. Parce que si ça avait été un été, il y aurait moins de dégâts. En plein hiver, alors les maladies, parce que vous savez, la famine entraîne des maladies aussi, hein, parce que l'organisme devient vulnérable s'il n'est pas alimenté. Il y avait un manque de tout. Et résultat, il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Hein. La plupart de nos vieux, ils sont morts dans ces camps-là. Ma tante qui avait 130 ans, elle est morte dans ce camp. Mon père a refusé d'aller dans ce camp de regroupement, parce qu'on a appris des atrocités qui sont commises dans ce camp. Des tortures, la famine, pas d'assistance alimentaire ni médicale, et un cercle de barbelés. Alors mon père il m'a dit, non, on va rester ici. Je préfère mourir ici que d'aller vivre dans le camp. Et c'est pour ça qu'on a choisi de rester dans notre terre tribale et de nous planquer au risque de nous faire tuer. Mais la maison, c'est fini, on n'habitait plus dans la maison parce que la maison était vulnérable d'être bombardée par l'aviation. Donc, le jour, on se cachait dans des grottes à l'abri de l'aviation. Parce qu'il y avait des T6 qui sont arrivés, équipés de mitrailleuses 12-7, et l'ordre a été donné de tirer à vue. Et évidemment, nous, on se planquait, et la nuit, on sortait, comme des chauves-souris. On sortait, on travaillait, etc. Ouais, on travaillait la terre, on labourait, etc. Et il y avait un avion, on appelait ça le Piper. Elle était jaune, et lui, c'est un avion d'observation. Et dès qu'il repère de la fumée ou quelque chose comme ça, dans un truc, il signale au T6 qui venait de Biskra, pas loin. Et elles arrivaient à le bombarder tout. L'aviation, elle loupait personne. Moi, j'étais mitraillé plusieurs fois avec mon cousin. Et les rebelles, à l'époque, ils nous ont dit, quand l'avion arrivait, il ne faut pas courir devant lui, il faut courir vers lui. Et l'avion tire toujours devant lui. avec la mitrailleuse. On a vu la terre remonter comme de la pluie. C'était les balles. Il y avait plein de nourriture. Les enfants, je ne savais pas que si on ne mange pas, on est enflé. Et puis c'était l'hiver, il n'y avait pas d'herbe pour manger. Il y avait de la neige. Ma mère, elle a essayé d'aller nous ramener, elle cachait la nourriture avec l'huile d'olive. Et elle s'est cachée, j'étais cachée, les berries rouges. Ils l'ont tiré dessus. La barre, elle a frôlé sa nuque. Elle a essayé de s'abriter, tout près de la maison. Parce que la maison est construite avec des pierres, des grosses pierres. Et là, l'avion a jeté la bombe. La maison, elle a été détruite. Donc ma mère, elle a reçu une partie de la maison sur son épaule. Elle est restée coincée là-bas. Comme on ne pouvait pas descendre, on est toujours caché. T'es vivante, oui. Jolie femme, la quarantaine. On criait, on pleurait fort. Dans un bain de sang. On n'avait plus de foulard sur la tête. Ils l'ont remis dans la couverture, ils l'ont amené à un endroit aussi, sous un rocher, qui n'est pas très loin de la maison. Ils ont creusé, ils l'ont mis là, ils l'ont caché là-bas. Son épaule a été déboîtée. Il y avait une infirmière. Elle a essayé de la soigner parce qu'on n'avait rien. Elle avait déchiré un bras, elle a essayé de la bander pour qu'elle ne souffre pas. Ça a duré 15 jours. J'ai vu les enfants pleurer, ils ne dormaient pas. Parce qu'ils avaient faim. Moi, j'allais dans les paysans, moi, je désherbe. Creuser pour manger des herbes, pour me nourrir. Je voyais la maison de mes grands-parents que j'adorais, où j'ai joué avec mes cousins. T'es bombardé, restait pas grand-chose. Et là, c'était l'enfer. Je n'avais plus de vie familiale. Je dormais dans les grottes. C'est 57, on a rejoint le camp de regroupement, chassé par les rebelles, qui ont dit à nos parents, vous pouvez pas continuer à vous enfuir, vous nous gênez, hein, partez... dans le camp de regroupement, et ben voilà, et on s'est retrouvés dans le camp de regroupement. Dans le camp, il y avait 6500 habitants, on a dû construire des paillotes, c'est-à-dire en branchage, en chaume, et avec des poutres en bois, bien entendu. Et nous avons construit une baraque avec des murs en bois, avec des planches, et des toits en tôle ondulée. Et la tôle ondulée me donnait un sentiment de sécurité dont je me rappelle encore nettement. C'est-à-dire qu'on n'avait pas cette horreur de voir des infiltrations d'eau de pluie par le toit. Et donc, cette toile ondulée, c'était radical. Aucune goutte ne passait. Et là, je vais arriver à un constat qui est paradoxal, mais qui est très humain et conforme à toutes les guerres. Notre départ dans le camp a été un arrachement, une perte de nos champs, nos bêtes, une vie, le cimetière ancestral, le marabout, et surtout nous avons perdu un peuple en route. C'est le peuple auquel je croyais dur comme fer, celui des esprits bienveillants qui patrouillent dans le village et dans les champs la nuit pour nous protéger des mauvais esprits. C'est-à-dire qu'une fois le soleil tombé, deux peuples se réveillaient, le peuple hostile, une sorte de Gog et Magog, et les bons esprits qui nous protègent. Et en partant, nous avons laissé mourir ce peuple d'esprit protecteur. C'est comme si nous étions orphelins et désarmés. Nous avions maintenant les tirailleurs sénégalais, les légionnaires, les harkis et les parachutistes français. Le camp était un lieu de francisation accélérée. Il fallait nous franciser, nous soigner. Il y avait des officiers des affaires indigènes qui parlaient l'arabe et le kabyle. Il fallait donner un visage humain de la France. Et par certains aspects, ça a marché. Parce que nous avions une expression, on disait, un vrai Français. En français, un vrai Français. C'est une expression qui voulait dire un homme bon. C'est-à-dire qu'un Français ne pouvait être que bon. Et quand j'y repense, la division du travail dans le camp était que les Français étaient instits, infirmiers ou officiers des affaires indigènes, c'est-à-dire celui qui allait parler en arabe aux gens tous les matins, aider les gens à remplir un formulaire, à obtenir un papier, et les méchants. Les forces combattantes, c'était les légionnaires allemands, les tirailleurs sénégalais et les harkis. Et dans le camp, qu'est-ce qui se passe? En face de notre baraque, l'armée avait creusé un puits avec une pompe. Et donc le robinet, la pompe à eau, était à 5 mètres, le luxe. Parce que dans mon village, il fallait faire 200 mètres, il fallait attendre son tour, parce qu'il y avait un mince filet d'eau, il fallait mettre les jarres, chacun avait son tour, il y avait même une loi sur la distribution, la répartition de l'eau de l'unique source. Là, on l'avait en face. Et donc, c'est le paradoxe de cette guerre. Arrivant dans le camp, mes parents, mon père et son frère Saïd, son frère aîné, deux cultivateurs illettrés, empruntent de l'argent et créent la première épicerie dans le souk du camp. Parce qu'il y avait un souk dans lequel il y avait un coiffeur, un boucher, un petit abattoir et des boutiques. Donc ils ont créé une boutique. Et après quoi, ils ont acheté un petit camion avec lequel ils allaient acheter à Djidjeli, Djidjel, ou à Sitif ou à Boudji, Bidjaya, des marchandises pour leur boutique, et ils allaient une fois par semaine dans les autres camps vendre leurs produits. Ce qui veut dire que dans cet arrachement, dans cette guerre, mes parents sont passés du stade de cultivateur à épicier. Donc nous découvrons l'économie de marché. Et donc, paradoxalement, comment le dire ? Sans donner l'impression de faire l'éloge des conflits. Donc une certaine évolution matérielle. Au micro, Jean-Gabriel Grand qui vous parle d'Alger. La radio a diffusé hier soir des détails sur les mesures adoptées en Conseil des ministres pour faciliter aux Français musulmans l'accès à la fonction semi-publique et à la propriété rurale. Ce matin, les journaux ont consacré plusieurs colonnes à l'analyse de ces textes. Et on peut être certain que la nouvelle des réformes a déjà fait le tour des douars et des mechtas. En Algérie, les nouvelles voyagent avec une prodigieuse rapidité. On pourrait donc déjà se demander comment ces décrets ont été accueillis par les travailleurs auxquels ils s'adressent et chercher à recueillir des réactions. Ce serait pourtant prématuré. La répugnance traditionnelle des musulmans à extérioriser leurs sentiments n'est pas un vain mot et il faudra certainement plusieurs jours et sans aucun doute un début d'application pour connaître les impressions des intéressés. Celles-ci devraient être favorables, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas de remède miracle au malaise algérien et il faudra vraisemblablement beaucoup de temps et de réalisation pratique pour changer la réserve en confiance et en amitié. Dans le camp, nous étions dans un cocon, nous étions sous vide, en apesanteur. Nous n'avions pas de transistors, pas de journaux. Donc, contrairement aux Algériens des villes qui écoutaient la voix des Arabes de Nasser, qui écoutaient les radios du FLN de Tunisie et du Maroc, qui leur expliquaient qu'ils sont en guerre, qu'il y a une soldatesse coloniale qui les tue, qui bombarde, que tel jour à Biskra il y a eu ça, qu'à Alger il y a eu ça, telle bombe, tel bombardement, le napalm. Eux, ils étaient informés. Nous n'avions absolument rien de cela. Il y avait Radio Trottoir. Il y avait Radio Trottoir qui était la plus efficace, avec toute sa démesure, si vous voulez. Mais bon, donc, il n'y avait pas la télévision à ce temps-là. Il y avait la radio française, voilà, en français. Il y avait un journal qui s'appelait La Dépêche de Constantine. Les pertes rebelles étaient exagérées et les pertes de l'armée française étaient minimisées. Et donc, bon, il nous suffisait de lire les choses à l'envers pour nous, avoir la mesure de la réalité. Donc, on savait que ce n'était pas ça du tout, quoi. Bon. Il n'y avait rien que ça autre arabe, la voix des Arabes, qui parler des hauts faits de l'armée de libération nationale. D'ailleurs, ils en parlaient tellement qu'on s'est rendu pas compte tout de suite qu'ils exagéraient un peu. Donc on divisait par deux ou par trois pour connaître la vérité. Vraiment, c'était délirant. Bon, mais les gens écoutaient. Les gens écoutaient la voix des Arabes. Par contre, mon père, il lisait, et on savait qu'il existait, Témoignage chrétien, Le Monde, qui avait une ligne du temps de son directeur, son fameux directeur, Hubert Beuve-Méry. Donc Témoignage chrétien, L'Express. Et nous étions très attentifs, bien sûr, aux positions de gars comme Charles von Schreiber, comme etc., qui dénotaient. Un petit peu, bon, la Croix, je ne me rappelle pas, il y avait l'Humanité, mais il y avait tout de suite, il y avait un journal communiste en Algérie, Algérie républicain a disparu très longtemps, parce que la plupart du temps, ses pages étaient blanches, la censure l'obligeait à maintenir les planches, et pour ne pas les remplir de textes, il préférait laisser des pages entières blanches, et les vendre comme ça, bon, donc au grand désespoir des autorités coloniales, dans lequel le journal montrait qu'il était censuré. Quand je suis arrivé à Alger, j'avais 4 ans. Areski Metref. Né en 1952. On habitait dans une cité qui venait d'être construite, qui s'appelle la cité des Eucalyptus, qui est à l'est d'Alger, à 6-7 kilomètres du centre-ville. Mais c'était déjà une cité indigène, entre guillemets. On est en 57-58. La guerre faisait rage, notamment en Kabylie. On fermait des villages, ça devenait des zones interdites, etc. On chassait les gens de chez eux. Donc il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés à Alger comme ça. Mon père était aveugle. Slimane, né en 1944 à Alger. Et donc étant aveugle à la montagne, il venait de la Kabylie. Bah, ils se sont dit qu'il fallait descendre à Alger, le seul moyen de pouvoir vivre... Donc, ils sont redescendus à Alger avec ma mère, en espérant un peu avec les services sociaux, avec les trucs comme ça, pour essayer de vivre un peu. Ils sont arrivés tout de suite à la cité Maïdine, parce qu'il y avait déjà des gens du bled, si vous voulez. Hein, parce que nous, on appelle ça le bled, en dehors d'Alger, c'est le bled. Quand ils arrivaient, ils ne connaissaient même pas l'arabe. Hein, ils ne savaient pas parler, peut-être mon père un peu, je ne sais pas. Mais ma mère, elle savait pas. Alors, il fallait qu'elle s'intègre et tout. Et c'était une petite piole. On n'avait pas beaucoup de place. On dormait carrément à même le sol. Hein. Parce que dans la première maison, on était plusieurs familles. Et chaque famille avait une pièce. Et malgré ça, on recevait quand même les gens qui venaient du bled, de la Kabylie. Voilà, on arrive, on habite dans une cité à la lisière d'Alger, mais l'état de guerre faisait que c'était presque un ghetto. On sortait pas beaucoup du quartier parce que les entrées et sorties étaient contrôlées, etc. Je veux dire, il y avait comme une insularité. Je crois avoir vu la ville, le centre-ville, 3 ou 4 ans après, quoi. C'est-à-dire que on sortait quasiment pas du quartier. À cause de la guerre. Ah oui, alors les jeux d'un petit garçon de la cité Maïdine. On jouait au cerceau. On avait simplement une bobine de fil attachée avec un fil assez rigide et qu'on traînait ça. S'il y avait un cerceau, à travers, il y avait des rayons. Alors finalement, ce qu'on a fait, on a coupé le barbelé que le soldat a mis et on prenait un bout de fil du rayon et on faisait une sorte de U pour pouvoir pousser la roue. On n'avait qu'un seul lieu de passage. Et quand on passait devant l'armée pour pouvoir rentrer. Donc on était obligé de passer devant. Et bon, d'un côté, il y avait notre quartier. Puis juste un peu plus loin, c'était le quartier européen, c'était l'école, c'était tout ça. Mais pour sortir, donc on ne pouvait pas sortir pour aller dans les autres quartiers sans passer par ce barrage. Il y avait un militaire qui nous faisait très peur parce qu'il avait un chien. On l'appelait Boulahia. Boulahia, ça veut dire celui qui porte la barbe. Hein. Il avait un gros chien. Quand il passait dans le quartier, les gosses s'enfuyaient. Hein. Il était un peu sadique en plus. Donc, quand on voyait un militaire, on s'enfuyait hein, à l'époque. Hein. Et c'est resté comme une espèce de réflexe. Hein. Il y avait un système de l'armée française à Alger. Ils ont installé une espèce de quadrillage qui fait qu'ils devaient savoir absolument qui était qui dormait où, etc. Donc, par exemple, dans notre cité, il y avait, pas seulement, mais dans toute Alger, je pense, peut-être même dans toute l'Algérie, je ne sais pas, en tout cas dans les villes, il y avait ce qu'on appelait des chefs d'îlots dans chaque immeuble. De notre cité, et le chef d'îlot, c'était quelqu'un qui était désigné d'autorité par l'armée française, qui avait un cahier. Par exemple, si vous recevez de la famille, quelqu'un qui n'habite pas chez vous, vous deviez aller le signaler, il doit l'inscrire dans son carnet, qui était vérifié par l'armée, qui est venu dormir ici, etc. Je me souviens de me réveiller au milieu de la nuit, comme ça, on dormait par terre parce qu'il faisait très chaud, et me réveiller sur les bottes des militaires, hein, c'est-à-dire, c'est une image, ça aussi, très forte, qui m'est restée dans la tête. Puis même l'odeur de la boue, voilà, donc il y avait des fouilles, oui, ils venaient dans les maisons. C'était les parachutistes qui débarquaient chez nous, et qui rentraient. Bon, des fois, c'était direct, c'est ciblé, ils allaient dans tel endroit chercher quelqu'un. Ou des fois, ils venaient le soir comme ça, sans avertir, et je vous ai fait finalement... Il y a une anecdote, c'est que nous, on avait un jour, on a acheté une armoire, et cette armoire ne pouvait pas rentrer parce que la pièce était pas très haute. Et le seul moyen de faire rentrer l'armoire, on a cassé le ciment pour faire rentrer l'armoire, la mettre debout. Cassé, on a fait un trou dans la terre et on mettait l'armoire, les pieds dans la terre et la faire descendre. Alors, un contrôle qui est venu un soir, et quand ils ont vu ce trou, ils ont dit, ça y est, quoi que vous avez là, tout ça, vous avez commencé à nous... Ma mère avait peur, mon père était aveugle, donc ils n'ont pas osé le toucher. Et ils nous questionnaient un par un, puis on leur a expliqué. C'est parce que l'armoire était haute, elle ne pouvait pas rentrer, c'est pour ça qu'on a fait ce trou. Bon, ils ont fouillé, ils ont retourné la terre, ils n'ont rien trouvé, ils ont compris que ce qu'on disait était vrai, quoi. C'était pas de... Jusqu'au jour où... Plutôt une nuit, on a été réveillés par... des blindés, des voitures, tout notre quartier a été encerclé. C'était vers fin 57, 50, 58, je pense. Et on est venu à arrêter mon père. Bon, les militaires sont rentrés, ils sont fouillé dans la maison. Ça a été assez terrible. On n'a pas été torturé. Moi, j'ai reçu qu'une gifle parce que des militaires entraient dans la chambre, ils fouillaient dans l'armoire. Et comme chez la plupart des gens, on met un peu de l'argent un peu dans les armoires. Hein. On ne connaissait pas les banques ou quoi que ce soit. Et je voulais éviter qu'il ne touche à l'armoire. Il s'est braqué. Je lui dis qu'il se sent morveux, ce mouche. Oh là là, ça m'a valu une belle claque. Mais bon, sans plus, ils savaient très bien pourquoi ils étaient venus, les militaires. Ils ont donc emmené mon père. Et nous sommes restés plus de 40 jours sans avoir de nouvelles. On ne savait pas s'il était mort ou vivant, mais c'était classique. Et c'est un commandant de l'air. On faisait la différence entre le contingent, les parachutistes et l'armée, disons, les métropolitains. Et celui-ci était un métropolitain qui habitait le quartier, qui était venu, et on s'était pris d'amitié. Et ce monsieur a eu pitié de nous, de notre situation. Et un beau jour, il est venu nous dire voilà, votre père est au camp de Beni Messous, vous pouvez aller le voir. Le camp de Beni Messous se trouve à l'extérieur d'Alger. C'est un camp militaire. Et donc, c'est ainsi que nous avons fait notre première visite, grâce à... La première visite à Beni Messous a été assez dure, très très dure. D'abord, il faut savoir que c'était une caserne. Il y avait un terre-plein, sans aucun abri. On attendait des heures avant d'être appelé. Et quand on est appelé, la première fois qu'on a vu mon père, il avait barbe blanche et cheveux blancs. Il ne nous a pas reconnus. Il était terrifié. Il se recroquevillait et il ne faisait que répéter « ils vont venir ». Donc, mon père a été, je pense, assez torturé parce que, je pense qu'il a gardé, il a gardé des séquelles de ces tortures. Donc, notre vie pendant quelques temps a été rythmée par ces visites. On avait un cousin qui nous emmenait en voiture, ma mère, mon frère et moi, et on emportait donc les couffins. Quand on portait les couffins, il fallait penser à ceux dont les familles étaient loin. Donc on essayait de mettre un maximum de choses dans le couffin et on attendait la visite. Et comme je vous disais, on pouvait attendre des heures avant d'être appelé pour ne rester qu'une demi-heure, au maximum une heure avec les personnes. Et que ça soit le vent, la pluie, le froid, on est dehors dans ce terre-plein. Mon père était en contact avec le FLN. Il aurait pris le maquis s'il n'avait pas été blessé, parce qu'il avait perdu tous ses doigts de pied par un éclat de bombe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était pour l'indépendance, il était en contact avec le FLN. Et donc, pour lui, c'était absolument clair que... Qu'il fallait l'indépendance, quoi. Tout le quartier, toutes les familles étaient pour le combat pour l'indépendance. Il y avait une présence du FLN dans le quartier. Elle n'était pas visible, évidemment, c'était un parti clandestin, etc. Mais on était conscient qu'il fallait protéger le FLN. Et que, même si on ne se le disait pas, mais on savait que c'était important que le FLN, c'était nous. C'était notre peuple, nos enfants, nos parents, notre pays, etc. Voilà, il y avait quelque chose qui passait, je ne sais pas comment, mais il passait. C'est-à-dire, on savait qu'il fallait payer ça, que ça se paye, l'indépendance, ça se paye. La liberté, ça se paye. Et donc, toutes les familles avaient des histoires comme ça, avec des gens qui ont disparu, qui ont été torturés, qui ont été tués, etc. Et puis, les gamins voulaient tous monter au maquis. On refusait les bonbons que nous donnaient les soldats français, parce que on était persuadés que la colonisation voulait éradiquer les Algériens, à commencer par les enfants. Alors, il y avait un sentiment de dignité. On ne veut rien de vous. Et aussi, on avait peur que ça soit empoisonné, etc. Parce que, voilà, donc il y avait une prise de conscience chez les enfants. Quand l'école avait agrandi, on nous a construit des chalets pour faire des classes. Alors, ce jour-là, on a fait le drapeau français, il fallait le lever du drapeau, on chantait la Marseillaise. J'ai eu le malheur de tousser pendant la Marseillaise. Et on avait un maître, un instit, lui c'était le gendarme de l'école. Et j'étais dans sa classe par malheur, et on lui a signalé. Et il y avait une leçon que je devais apprendre, je ne me rappelle plus, c'était peut-être le renard et le corbeau. Je n'ai pas su la réciter entière, et j'ai eu le droit, pantalon baissé, avec la règle. Je vous assure, ce qui l'a embêté au maître, c'est que j'ai pas pleuré. Mais après, je vous assure, quand je suis sorti à la récréation, j'avais les fesses toutes chaudes. Il y avait le feu aux fesses. Je m'en rappellerai toute ma vie. De façon générale, il y avait, depuis le début, il y avait la présence du FLN dans le quartier. Mes soirées de Ramadan, on faisait des espèces de fêtes comme ça, où on chantait, on allait d'un coin à l'autre du quartier, etc. On était des dizaines de gamins. Et en fait, c'est par la suite que j'ai compris que ça servait aussi à couvrir des militants du FLN qui taguaient des mots d'ordre d'indépendance sur les murs. Parce qu'on les couvrait en jouant comme ça, eux ils étaient en train de faire leur truc, et puis on se dispersait, puis il y a des... Vive le FLN, vive l'Algérie indépendante, sur les murs du quartier, et puis le lendemain, évidemment, l'armée française venait avec ces trucs pour enlever les tags, et le soir d'après, on remettait ça, etc. Donc, et on savait que c'était à la fois un jeu de Ramadan, mais en même temps, ça faisait partie de la lutte. Donc on avait cette conscience qu'on participait à quelque chose et qu'on avait une responsabilité, tout gamin qu'on était, quoi. Alors comment le FLN était là, il y avait au moins une ou deux personnes qui étaient connues par les adultes pour encaisser les cotisations en faveur du FLN. On savait que c'est un tel qu'il fallait remettre la cotisation, parce que tout le monde cotisait, évidemment. Il y avait des gens du quartier qui étaient dans les groupes de choc du FLN, etc. Mais eux, on les voyait pas, évidemment. Ils étaient dans la clandestinité. Pour les gamins que nous étions, c'était pour nous de super-héros, des gens qui étaient là pour nous défendre, parce que... pour lutter dans les conditions de l'époque contre une armée hyper forte, dans un pays où la colonisation a eu le temps de miner tout le tissu social et politique, c'était pas évident. Hein. Fallait vraiment être un héros. Mais il faisait partie de notre quotidien. Le plus bizarre des choses, c'est que nous, on chantait des chansons révolutionnaires, mais étant donné que nous, on a appris que l'arabe algérien, on ne connaissait pas les paroles qu'on chantait, on ne savait pas leur valeur. On les chantait parce que c'est comme quelqu'un chante une chanson en anglais et puis c'était tout. Et après on a compris plus tard que c'était des chanteurs nationalistes. Oui, il y en a une qui était, je crois qu'elle devait être globale, elle devait venir même peut-être de l'Orient, je ne sais pas, qui s'appelle Mel Jibalina, c'est-à-dire de notre montagne, et monter le son de la liberté. Mais on chantait. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا c'est un chant qui nous appelle à lutter pour la libération. Des montagnes nous parviennent les chants. Voilà. Mes camarades sont pour la plupart montés au maquis. Est-ce que je les aurais suivis si je n'avais pas été malade? C'est la question que je me pose souvent. Peut-être, parce qu'il y a des jeunes quand même qui sont montés au maquis à 15-16 ans. Oui. C'est peut-être un petit regret, mais bon, on fait ce qu'on peut. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour... beaucoup d'admiration pour elles. Beaucoup. Et je leur dois tout. Je dois vraiment beaucoup à beaucoup de camarades qui déjà certaines ne sont plus de ce monde. Beaucoup de personnes qu'on devrait citer et qui ont... Beaucoup devraient être à ma place ici pour témoigner. Les civils dans la tourmente de la guerre. Un documentaire de Raphaël Lewandowski, réalisé par Rafik Zénine. Mixage, Olivier Dupré. Coordination, Perrine Kervran et Marivonne Abolivier.